Bonjour French learners, welcome to French Pod. I am Erica Tremonti. Bonjour à tous, je m'appelle Amaury Liber. And this is an elementary lesson. So there's this time of the year, Erica, when you know that some people, they cannot avoid it, they cannot go through autumn without a cold. This is true, and the characters in the dialogue is experiencing that right now. Yeah. Give us a key phrase that will be useful to us French learners. À tes souhaits. À tes souhaits. It's what you say when someone sneezes. Yeah. It's the polite response. For example, achoo. À tes souhaits, Erika. Thank you. Okay, let's keep that in mind as we listen to this dialogue three times. Dialogue, première écoute. Je me sens pas bien. J'ai attrapé un rhume. À tes souhaits. Et mets ta main devant ta bouche. Je ne veux pas attraper tes microbes. Pardon. Est-ce que tu peux me passer un mouchoir? Tiens, mais va chez le docteur. Non, je suis déjà allé à la pharmacie et ils m'ont donné des médicaments. Dialogue, deuxième écoute. Je me sens pas bien. J'ai attrapé un rhume. À tes souhaits. Et mets ta main devant ta bouche. Je ne veux pas attraper tes microbes. Pardon. Est-ce que tu peux me passer un mouchoir? Tiens, mais va chez le docteur. Non, je suis déjà allé à la pharmacie et ils m'ont donné des médicaments. Dialogue, troisième écoute. Je me sens pas bien. J'ai attrapé un rhume. À tes souhaits. Et mets ta main devant ta bouche. Je ne veux pas attraper tes microbes. Pardon. Est-ce que tu peux me passer un mouchoir? Tiens, mais va chez le docteur. Non, je suis déjà allé à la pharmacie et ils m'ont donné des médicaments. So now it's time for the translation first. Je ne me sens pas bien. J'ai attrapé un rhume. I don't feel good. I caught a cold. Je ne me sens pas bien. J'ai attrapé un rhume. I don't feel good. I caught a cold. Je ne me sens pas bien. J'ai attrapé un rhume. Achoum. Achou. À tes souhaits. Bless you. À tes souhaits. Gesundheit. À tes souhaits. Et mets ta main devant ta bouche. And put your hands in front of your mouth. Et mets ta main devant ta bouche. And put your hands in front of your mouth. Et mets ta main devant ta bouche. Je ne veux pas attraper tes microbes. I don't want to catch your germs. Je ne veux pas attraper tes microbes. I don't want to catch your germs. Je ne veux pas attraper tes microbes. Pardon, est-ce que tu peux me passer un mouchoir? Sorry, can you hand me a tissue? Pardon, est-ce que tu peux me passer un mouchoir? Sorry, can you hand me a Kleenex? Pardon, est-ce que tu peux me passer un mouchoir? Tiens, mais va chez le docteur. Here, but go to the doctor. Tiens, mais va chez le docteur. Here, go to the doctor already. Tiens, mais va chez le docteur. Non, je suis déjà allé à la pharmacie et ils m'ont donné des médicaments. No, I already went to the pharmacy and they gave me some medicine. Non, je suis déjà allé à la pharmacie et ils m'ont donné des médicaments. No, I already went to the pharmacy and they gave me some medicine. Non, je suis déjà allé à la pharmacie et ils m'ont donné des médicaments. Now, if I don't feel very good, what do I have to say in French to express that to someone else? Je ne me sens pas bien. Let's start in the middle. What is the verb to feel like physically? Se sentir. But if you want to say I feel physically, je me sens. I feel good. Je me sens bien. But I don't, so. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. But they already know why. They say, j'ai attrapé un rhume. What's that last part? Un rhume. Un rhume. And just like in English, in French, you catch colds. Attraper un rhume. And they already did it, though. So, j'ai attrapé un rhume. And that's too bad. And then they give evidence in case you didn't believe them, they were making it up. They sneeze à la française. For some reason, French people have to add the m at the end of a sneeze. There's a m at the end of the sneeze. It's weird. No, listen. Hachum! Yeah, but you made that one up. That's not a real sneeze. That's your acting sneeze. You purposely put M in there. Okay, I'm gonna watch you. I'm gonna watch your next natural sneeze. And you really hear the M at the end. The polite thing to say when someone sneezes in France. A tes souhaits. Literally means to your wishes. Yeah, it's okay. The guy is okay with him, but he says, et mets ta main devant ta bouche. Okay. Put. Mets. What? Ta main. Where? Devant ta bouche. Devant ta bouche. Oui. What's the whole expression? Mets ta main devant ta bouche. In other words, cover your mouth. Yeah, be polite. Why? Je ne veux pas attraper tes microbes. So, je ne veux pas. Then we have the same verb from before. Attraper. Attraper what? Tes microbes. Microbes, germs. Yeah. Microbes. You can't say. Je ne veux pas attraper tes microbes. So, mets ta main devant ta bouche. When you sneeze. Mm. Now we learned how to ask someone to pass us a Kleenex or a tissue. A hanky. Or a hanky. Est-ce que tu peux me passer un mouchoir? So what's the second verb? Passer. Passe-moi le thing over there. Hand me it. Yeah. So you pass something to somebody. Right. Passer quelque chose à quelqu'un. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me passer, me, to me, what? Un mouchoir. Un mouchoir. It's also the cloth one, though, that you would put in your pocket, right? That's right, yeah. As well as, like, the tissue that you can throw out in the garbage. Mm-hmm. A mouchoir. Now, if someone asks me to passer something to them, I say, tiens. Tiens. Here you go. As the person keeps sneezing, they're like, oh, mais, finally, come on. Mais va chez le docteur. Va chez le docteur. Yeah. Attention! We go chez le docteur. It doesn't mean his house. It's just what we call his office. Chez le docteur. That's right, yeah. Are they gonna go? Non. Why not? Because they say, je suis déjà allé à la pharmacie. La pharmacie? The place with the green cross that you see on the street? That's right, yeah. Mm-hmm. So, go to the pharmacy. Aller à la pharmacie. How about if I wanted to say, I went before? Je suis allé à la pharmacie. Already. Je suis déjà allé à la pharmacie. And what happened there? Et ils m'ont donné des médicaments. Médicaments? Mm-hmm. Which could entail aspirin, cold pills, cough syrup. Yeah. Des médicaments. And à la pharmacie, ils donnent des médicaments to people. And so when il est allé à la pharmacie, ils ont donné des médicaments. What if I want to specify they gave them to me? Ils m'ont donner des médicaments. Okay. Well, let's listen to the dialogue three more times now. Dialogue, première écoute. Je me sens pas bien. J'ai attrapé un rhume. À tes souhaits. Et mets ta main devant ta bouche. Je ne veux pas attraper tes microbes. Pardon. Est-ce que tu peux me passer un mouchoir? Tiens. Mais va chez le docteur. Non, je suis déjà allé à la pharmacie et ils m'ont donné des médicaments. Dialogue, deuxième écoute. Je me sens pas bien, j'ai attrapé un rhume. À tes souhaits, et mets ta main devant ta bouche. Je ne veux pas attraper tes microbes. Pardon. Est-ce que tu peux me passer un mouchoir? Tiens, mais va chez le docteur. Non, je suis déjà allé à la pharmacie et ils m'ont donné des médicaments. Dialogue, troisième écoute. Je me sens pas bien, j'ai attrapé un rhume. À tes souhaits, et mets ta main devant ta bouche. Je ne veux pas attraper tes microbes. Pardon, est-ce que tu peux me passer un mouchoir? Tiens, mais va chez le docteur. Non, je suis déjà allé à la pharmacie et ils m'ont donné des médicaments. Achoum! Right, first of all, you totally added that M. But, à tes souhaits. Merci, Erika. And that was gross. Ugh. Mets ta main devant ta bouche when you sneeze sick. Pardon. But how can you say that? Because je ne veux pas attraper tes microbes. Yeah, but it's It's a bit rude. No, it's a bit rude to sneeze and ne pas mettre ta main devant ta bouche. I know, but... When tu ne mets pas ta main devant ta bouche, tu me passes tes microbes. But I can help it. J'ai attrapé un rhume. Je ne me sens pas bien. Oh, tu es déjà allé chez le docteur? Non, mais je suis déjà allé à la pharmacie. Et ils m'ont donné des mouchoirs. Then you have no excuse to sneeze with your, tes microbes everywhere. Tu as des mouchoirs to put devant ta bouche. Where I come from, we're sick, we either go buy medicine in the store or we go to the doctor. But in France, usually the first place you go is to la pharmacie. Yeah, in France, people quickly go to the pharmacy when they get un rhume. And the pharmacist acts in some ways like a doctor. A bit, yeah. So they can donner des médicaments. Yeah, I went one time and I told them all my symptoms and ils m'ont donné des médicaments, but lots of different kinds. First, we're going to give you these aspirin and they tell you how many to take. Uh-huh. You know, just like a doctor. They gave me cough syrup and told me how often to take it. And I felt like I had gone chez le docteur. And so if you are in France, and that's not even just for a rhume, it's for like any symptoms, you could go to a pharmacy. They'll tell you if it's serious and you have to go chez le docteur. That's right. So in case of trouble, don't hesitate to go to the pharmacy. And you can find them because they have a green neon cross on every corner. That's right. Yeah. Well, if you have any questions at all about this lesson, please come to frenchpod.com and feel free to ask us. À bientôt. Merci. Au revoir.